c'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Et puis Fred qui est avec nous, c'est un indice. Et Fred qui est avec nous maintenant, 22 ans qu'on a eu hier, mais on n'a pas réussi à joindre ta copine Fred hier, donc on va remettre le couvert aujourd'hui. Comment vas-tu Fred depuis hier? Ça va, là j'ai un peu la tête dans le cul parce qu'il y a le petit m'a réveillé, mais bon. Ah oui, bah c'est normal. C'est normal Fred, à 8h30 on fait, enfin 8h40 plus ou moins, on fait la déclaration express. Bon Fred, c'est pas très grave. On va donc appeler ta copine maintenant. Tu voulais qu'on l'appelle pour lui faire une petite déclaration express. Eh ben on va l'appeler maintenant. Dès qu'on l'a au téléphone ou si jamais tu tombes sur le répondeur, tu lui dis voilà, c'est Fred, j'avais un truc à te dire, écoute, et nous on dégaine derrière, d'accord? Allez, c'est parti, on y va. Et parle un peu plus près de ton téléphone ou un peu plus fort, Fred, s'il te plaît, parce qu'on comprend mal. Ok. Voilà. Ouais. Bah, le hockey était loin aussi. Hein. Et ça ne sonne pas, ça commence bien. Alors, on a beaucoup de chance. Faut essayer trois fois. Il faut essayer trois fois. Oui, c'est notre nouveau standard. Ah, d'accord, ok, trois fois. Bah, ouais, écoute, c'est original. Attends, bah, je vais réessayer encore une fois. Après hein, c'est après le facteur sonnera trois fois, c'est ouais. Le téléphone sonnera trois fois. Attends, on va essayer hein. Ah, je pense que là on est bon là. Ou pas. Bon, c'est pas grave, je vais essayer l'autre hein. Oh, nouvelle option, c'est pas grave hein. On va y aller, tout va bien se passer. J'ai deux numéros, normalement l'ob a pris un peu d'avance cette fois-ci, donc ça devrait aller hein. Numéro demandé n'est pas accepté. Eh bah, c'est parfait, oui, c'est comme hier, donc là on est au top bon, avec ça. Le numéro hein. On est je pense Fred que on va la faire comme ça pour entre nous hein, la chanson. Sauf si ça ressonne, on sait jamais hein. Sur un malentendu, qui sait. Ou alors on va la faire et tu lui feras écouter le podcast. Bah, je propose que Julie décroche, elle fasse semblant que c'est ta copine. Ah, pas mal. Ah ouais, ça c'est une idée. Ouais. Pas de problème. Ça c'est une idée. Ouais, bon bah écoute, malheureusement, je sais pas pourquoi, mais ça fonctionne pas avec ta copine. Donc soit t'es un relou et elle t'a donné le numéro de la ligne. Je suis relou. Non, quand même pas. Qu'on n'arrive pas à joindre. Bon écoute, c'est pas grave. On l'aura pas au téléphone, on va quand même la faire et tu lui feras écouter le podcast. Hein. Je suis désolé, hein, mais sinon on n'y arrivera pas. Donc bah vas-y, Lob, hein, quand tu veux. Hein. Oh, Francis. Ya, Francis. Francis ne parle pas néerlandais. Attends, comment ça se passe? Oh! Excuse-moi si je suis drôle. Oh, ou pas? Ouais, quand je t'ai connu sur Facebook, j'étais en galère. Cherchais une fille pour jouer dans mes cheveux. J'ai vu ton profil et direct, je t'ai ajouté. Parce que je kiffais. Tes yeux et tes cheveux. Oh, toute la nuit. T'as parlé de ces garçons qui voulaient que ton derrière. Mais bon, c'est normal si tu tapes que des vieux. Il faudrait qu'un jour tu te prennes plus la tête. Et à Pâques, je t'emmènerai à Strasbourg. Il y a blindé de vieux. Ouh, ma baby. Tu m'as dit que tu t'en foutais de tous ces bâtards. Donc je t'ai dit, viens chez moi, on va se bourrer à la bière. Et si tu dégueules, on sera deux. Ah bah, dites donc. Que c'est de l'amour. Même si demain on aura sûrement un trou noir, alors t'inquiète pas, j'ai installé la webcam. Mais faut pas que je la montre à ma femme, la vidéo. Eh ben voilà, qu'est-ce que t'en as pensé Fred, cette magnifique chanson? C'était pas mal, c'était sympa. Ce qui est bien, c'est qu'on était au karaoké là, avec la petite musique de karaoké et tout ça. L'homme qui a essayé de prendre l'accent du le sud de la France. On était bien, moi et Julie, on était bien, on attendait les cigales derrière. Bah oui, on était au top. Bon ben voilà Fred, tu lui feras écouter le podcast, hein. Désolé qu'on n'ait pas réussi à la joindre. Bah tant pis, hein, c'est pas grave. Y'a pas de problème. Bon ben merci Fred et puis passe une bonne année alors. Eh ben merci à vous aussi, puis bonne émission à vous tous. C'est gentil, merci Fred, à bientôt, salut. Ciao à vous, ciao à toi, pardon. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Mickaël à la radio. Bonjour, c'est Katia Estelica. Demain matin, j'écoute Mickaël à la radio. Mickaël. Fun. À la radio. Et on a Mélanie avec nous, 25 ans de Fleurus. Salut Mélanie. Salut. Comment ça va Mela? Très bien. Bon, bienvenue à toi Mélanie, 25 ans de Fleurus, tu fais quoi dans la vie, dis-moi? Je suis éducatrice. Éducatrice, d'accord. Maternelle. Ok, donc là, t'es en vacances cette semaine? Ouais, en vacances. D'accord. Tu reprends Noël Mélo en vacances, elle prépare ses cours pour la rentrée. C'est vrai, c'est vrai. Oh là là, je vais me fâcher avec les profs maintenant. Bon, Mélanie, on va donc jouer au ni oui ni non, ni. Ni oui ni non, ni. Voilà. Ouais, voilà. On peut pas dire voilà. Voilà. Donc tu peux pas dire ni oui, ni non, ni voilà. Mélanie, okay. On va donc appeler qui? On va appeler qui d'ailleurs? On va appeler mon compagnon. Ton mec, très bien. Eh ben, c'est parti, on y va. Une minute pour discuter avec lui, une conversation normale. Prends le plus possible la parole sans dire ni oui, ni non, ni voilà. Allez, bonne chance. Allez, c'est pas moi qui décroche. Allez, Emmanuel, on n'a pas la journée quand même. Allô? Ah. Ça va, Loulou? Ça va, Loulou? Ouais. Oh, il est content, lui. Travailler? Pas encore. Encore? Lui, il peut dire oui et non. Hein. J'y vais. D'accord. Ok, tu as travaillé où aujourd'hui? Florus. C'est vraiment charmant. On va terminer le remplacement de chaudière d'hier? Normalement. D'accord. Ah non, mais il pense qu'on prend très tard ce soir? Je ne saurais pas le dire maintenant. Oui, mais lui, il pense qu'il ne peut pas dire encore. Bon, bah, moi, en fait, après, je vais aller avec ma cousine faire les retouches de son tatouage. Et après, je vais aller avec Tamara, on va aller à Namur s'il ne pleut pas. Ou alors, on va aller, à mon avis, à l'esplanade. Voilà, profitez de dire. Voilà. Oh putain, à deux secondes. À deux secondes. Mélanie, le compagnon pouvait dire oui ou non. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Vous en avez marre des mecs qui vous prennent la tête en soirée? Je sais que t'es belle. Vous en avez assez des meufs relous? J'ai pas fait mes ongles, je suis pas bien. Fun Radio crée l'arme ultime. La ligne anti-relou. 0473 86 0013. Exactement, tous les matins sur Fun Radio, les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou, le 0473 86 0013. C'est un numéro qu'on met à votre disposition pour vous débarrasser de tous les relous. Et le concept est relativement simple. Si vous vous trouvez en boîte par exemple, en soirée, même au travail, dans l'absolu, même à l'école, vous croisez un relou qui veut absolument votre numéro de téléphone et sortir avec vous, bah donnez-lui le numéro de la ligne anti-relou, du style oh, écoute, je te donne mon numéro parce que j'ai vraiment pas le temps qu'on discute, mais je compte sur toi, rappelle-moi. Donc forcément lui va être content, il va rappeler et va tomber sur le répondeur, sur le numéro de la ligne anti-relou. Et tous les matins, on écoute ça. Allez, premier message de ce matin. Oui, Teresa, c'est Carlo au téléphone. Oui. Je t'avais dit que j'allais appeler vers 14h45 à peu près. À peu près. Et voilà. Et écoute, merci de m'avoir donné ton numéro. Et je te ressonne. J'essaierai encore d'ici 5 à 10 minutes. Voilà, merci. On comprenait en rien en plus de ce qu'il racontait. Il a beaucoup trop la patate là, c'est grave. C'est presque ah, il faut qu'il garde cette patate, ça c'est évident. Attends, c'est dingue. Mais ce qui est bien, c'est que ça a été, mon avis, ça a été mis de la même manière que j'ai proposé. C'est-à-dire que merci de m'avoir donné ton numéro, ça devait être la fille qui a dit écoute, j'ai pas le temps, mais je te donne mon numéro, rappelle-moi, je compte sur toi. Mais merci de m'avoir donné ton numéro, mais on peut se voir si tu veux. Allez, deuxième message. Ouais, bah je t'attendais, t'es pas venu, je sais pas ce qui se passe. Pourtant, c'était clair entre nous qu'on devait aller au Faisan Doré. Oh, quel bel endroit. Rappelle-moi, moi je suis devant le Faisan Doré, je t'attends. Bisous. Bisous. Ah, ah, le Faisan Doré, c'est sympa quand même, Julie, ça... t'as pas envie d'aller là? Ah bah tiens, mais j'y vais de ce pas. Hein, ça... au Faisan Doré. Mais ça a l'air d'être un relais très sympathique. Mais moi, ma foi, très sympathique. C'est l'hôtel de Paste. Peut-être, ouais. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Puis on va parler maintenant. Bah, je sais pas si vous vous souvenez, avant les vacances de Noël, évidemment, je vous avais parlé de l'île de la vérité. C'était une nouvelle télé-réalité où la Belgique était encore une fois bien représentée grâce à elle. Parce qu'à mon avis, il est jaloux qu'il part et que c'est pas lui qui part. Voilà. Ah, donc, d'accord. Oui. Vu comme ça, c'est compréhensible, effectivement. Françaisement parlant, elle nous représente bien. Hein, voilà. Merci, bon, merci et donc, le principe de l'émission, donc, ce sont trois garçons et quatre filles qui partent à Haïti pour faire de l'humanitaire. Alors Metz-sur-l'Isle, évidemment, ils sont confrontés à des blessures de leur passé. Genre, par exemple, une fille qui retrouve sa mère après 10 ans, un mec qui pardonne à sa sœur, etc. Et donc, comme dans toute bonne télé-réalité, eh bien, on retrouve des anciens comme Mehdi de Pékin Express ou encore Florent de Qui veut épouser mon fils et bien évidemment la star. Je suis pas venu faire la femme de ménage, mais j'ai jamais fait la femme de ménage de ma vie. Ben, je vais pas la faire aujourd'hui, moi. Ça, c'est clair. Hein. Et Giuseppe qui est de retour. Ah, hein. Et puis, il est toujours aussi glamour et sympa. Oui. Hein. Et puis surtout, il n'a pas bien compris le principe de l'humanité, à mon avis. Hein. Mais bon, il y a aussi, Shona Sand qui a décidé de demander au mec de lui écrire un poème. Et comment dire, il y a du lourd. Ce soir, comme tu es vêtu, tu es ma petite fraise. Et oui, ce soir, comme tu es vêtu, tu es ma petite fraise. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Giuseppe, mais qui, je sais pas, mais écoute. Tu fais de la poésie. Attends. Ce soir, comme tu es vêtu, tu es ma petite fraise. Ouais. Bon, et puis. On avait des tabliers en rouge avec plein de points noirs sur le. Ouais. Mais ce qui est, on a aussi Mehdi, hein, qui pourra peut-être faire mieux. Pour ma plus belle des mamans, pour un jour, et Shona pour toujours. Amitié sincère, Mehdi. Voilà, Mehdi, amitié sincère, Mehdi. Alors, on va prendre tout de suite l'avis de Shona. Hein. Le poème de Mehdi, c'était vraiment le poème le plus mauvais que j'ai entendu. Donc. On dirait un peu Ophélie. Hein. Ah, d'accord, oui. On dirait un peu Ophélie, notre future miss. Alors, le principe d'un poème, c'est de faire des. Rime. Et oui, il rime exactement. Et Florent l'a parfaitement compris, justement, heureusement. Cher Fiona, dès le premier jour que je t'ai vu, tu étais comme le coucher de soleil à Tahiti. La couleur de tes yeux me font penser au magnifique lagon bleu. Une femme touchante, attentionnée, tout ce qu'un homme rêverait. Ta beauté et ta simplicité me font fondre comme un glaçon. Voilà. Me font fondre comme un glaçon. Et ouais, de belles rimes, évidemment. Non, attends, un poème, c'est pas spécialement avec des rimes. Ouais, enfin bon, là, c'était quand même mauvais mais bon, quoi qu'il arrive. Pourri, hein. Oui, c'est, voilà, c'est quoi le principe d'un poème, c'est pas de rime? Et c'est d'être beau, joli, bien. Mais ça, c'est dans le monde de Julie. Bon, non, mais vraiment, un poème, de pas spécialement avoir de rimes. Et ce que Florent vient de faire avec tout ça, évidemment. Ah bah, bien sûr, magnifique. Bon, et pour finir, comme dans toutes les bonnes télé-réalités, attention, ça fait mal. Tes yeux bleus comme l'océan me fait rêver. Eh oui, tes yeux bleus me fait rêver. Trouver l'erreur, hein. Voilà. Et tu leur en demandes beaucoup, et, dis donc. Bah ouais, et Ophélie, notre future miss, elle en pense quoi de tout ça, du poème et tout? Je sais pas. Ah voilà. Bon, bah écoute, ça m'étonne pas. Hein. Merci, bon, Ophélie. Eh bien, si vous pensez faire mieux, envoyez vos poèmes à Julie, hein, elle a besoin de réconfort ce matin. Vous envoyez ça sur le groupe Facebook, facebook.com/MIKL officiel. On attend vos poèmes, bien évidemment. Merci. Avec impatience. MIKL à la radio, le replay. Fun Radio.